Ce matin, la Fabrique de l'Histoire s'intéresse aux routes de commerce et de migration en Afrique depuis le 15e siècle. Pour cette journée spéciale face à la crise migratoire, l'Europe est-elle à la dérive? Nous avons choisi à la Fabrique de nous intéresser aux routes de l'Afrique, celles qui transportent au cœur du Sahara marchandises, hommes et animaux. Et à cette histoire de ces routes, sont-elles les mêmes qu'au 8e ou 15e siècle ou bien ont-elles été profondément changées sous le coup des modernisations des 19e et du 20e siècle? C'est ce que nous verrons avec nos deux invités qui ont participé à l'exposition qui vient tout juste de se terminer en novembre dernier au musée du Quai Branly à Paris, l'Afrique des routes. Guylaine Lydon est avec nous en duplex depuis les studios de Radio France à Nîmes. Elle est professeure d'histoire africaine à l'université de UCLA en Californie et spécialiste des routes transsahariennes. Et Antonio de Almeida Mendes est avec moi en studio ici à Paris. Il est maître de conférence à l'université de Nantes en résidence à l'Institut d'études avancées de Nantes. Please do not approach. Quand les marchandises viennent d'un pays lointain ou dont les routes sont dangereuses, le commerce en est plus fructueux. On en tire de plus gros bénéfices et les fluctuations des cours peuvent être plus avantageuses. En raison de la distance et du danger, ces marchandises sont rares. Peu de marchands peuvent en offrir, ce qui les rend très précieuses. De telles marchandises, à la fois rares et précieuses, ont des prix élevés. Merci. Aussi, les marchands qui vont jusqu'au Soudan comptent-ils parmi les gens les plus prospères et les plus riches? La route qu'ils prennent est longue et pénible. Elle traverse un désert difficile que le danger et la soif rendent presque inaccessible. Il n'y a qu'un petit nombre de points d'eau connus des seuls guides des caravanes. Peu de gens osent affronter cette longue route. Les marchandises du Soudan sont donc chez nous rares et par suite chères. Et il en va de même de nos marchandises au Soudan, transportées d'un pays à l'autre. Ces marchandises voient leur valeur augmenter, ce qui permet aux marchands qui en font le commerce de s'enrichir très vite. C'est un extrait de la Mukaddima, le travail majeur de Ibn Khaldoun dans sa traduction d'Abdeslam Chedadi, donc dans la collection La Pléiade. Cette Mukaddima qui est à la fois un livre d'histoire, de géographie, de géopolitique, de gouvernement des hommes et des animaux, en l'occurrence, puisqu'il s'agit d'une sorte d'encyclopédie voulue par ce géographe et historien du XIVe siècle, donc Ibn Khaldoun. Bonjour à vous, Antonio de Almeida Mendes. Bonjour. Et bonjour à vous, Guylaine Lydon, depuis les studios de Radio France à Nîmes, qui vous accueille. Bonjour. Bonjour. Ce texte, vous l'utilisez dans un de vos travaux pour expliquer ce qu'est le transport des marchandises et des hommes à travers le Sahara. Il date du XIVe siècle, mais nous l'avons mixé avec un sauvetage sur l'Aquarius, en l'occurrence aujourd'hui, car effectivement, il y a un marché, pourrait-on dire, du transport des hommes, et en l'occurrence des migrants, jusque sur les bords de la Méditerranée pour arriver en Europe aujourd'hui. Et ce que nous dit Ibn Khaldoun, c'est qu'effectivement cette route est dangereuse, la route du Sahara, qu'il n'y a qu'un petit nombre de points d'eau et que peu de gens osent l'affronter. Ça n'est pas évidemment la même situation au XIVe siècle, il faut bien le dire, et au XXIe, Guillaume Lydon. Eh ben pardon, je m'excuse à vos interlocuteurs d'abord parce que j'ai une petite crève, alors ma voix est un peu cassée. Mais je pense qu'il y a beaucoup de changements et beaucoup de choses qui plus ça change, plus ça reste stable, c'est-à-dire que le Sahara et la désertification a continué à travers les siècles. Et le danger imminent de la traversée saharienne reste constant, que ce soit à l'époque des grandes caravanes qui a duré vraiment jusqu'au 19e siècle, mm-hmm. ou à cette époque plus récente avec des caravanes en 4x4 et d'autres moyens de communication, c'est toujours le danger imminent. Ces routes sont-elles les mêmes? On en discutera un peu plus longuement avec vous tout à l'heure, mais ces routes, pour nos auditeurs et nos auditrices, sont-elles les mêmes qu'elles étaient, admettons, au XVe siècle, lors de l'arrivée par fracas des Européens, dont va nous parler Antonio de Almeida Mendes, en particulier des Portugais, sur les côtes d'Afrique occidentale? Sont-elles les mêmes ou ont-elles profondément changé entre ce XVe siècle et aujourd'hui, ou reprend-on d'anciens itinéraires aujourd'hui? Eh bien, il y a quand même une constance dans les axes, l'axe occidental et l'axe central, puisque la route centrale de Tripoli à l'Afrique centrale, c'est autour du Niger, du Nigeria et le royaume du Kanem-Bornou, a eu quand même une constance même avant le XVe siècle, et on peut parler même avant l'ère chrétienne, puisque les débuts, les pionniers caravaniers, selon les travaux de Robin Law et d'autres, et même selon la source incontournable Hérodote, qui parlait des Garamantes, qui avaient un espèce de royaume au fin fond de ce qui est la Libye, aujourd'hui, dans la région du Fezzan, trafiquaient en plusieurs denrées, des agates, des pierres, de l'or, mais aussi des esclaves. Je cite dans mon travail sur le commerce caravanier Hérodote, qui parlait des garamantes qui allaient chasser les troglodytes éthiopiens pour les amener au nord. Donc il y avait cet axe central qui a vraiment perduré à travers les siècles. C'est l'axe qui conduit à peu près de Tripoli à Agadez, par exemple, au Niger. C'est ce même axe ou c'est un axe un peu différent? Oui, disons que bon, il y a eu des changements selon les conditions climatiques. Bien sûr. Le mouvement des dunes et même les itinéraires changent annuellement à cause de la route qui est affectée par les dunes qui bougent. C'est comme des grosses vagues océaniques. Et donc, mais oui, il y a eu cette constance d'Agadez qui est bien sûr une ville qui a débuté vers le 13e, 14e siècle, qui est maintenant plaque tournante pour ce qui est une des grosses plaques tournantes pour ce qui est des migrations. Sud-Nord actuel a quand même joué un rôle qui a perduré. Mais il y a eu quand même trois axes. L'axe, disons, austral, disons, Tchad, Soudan, Égypte. L'axe central dont on parle, Tripoli, Niger. Et l'axe occidental qui a vraiment commencé avoir ou prendre de l'ampleur pour ce qui est du volume du commerce caravanier au XIe siècle, mais qui quand même était important. Donc cet axe, aussi un autre axe qui est moins commun aujourd'hui, qui partait du nord-ouest de l'Algérie et descendait vers la boucle du Niger. Il y a eu des changements, mais il y a quand même ces axes qui, avec des, surtout pour ce qui est des routes occidentales, où il y a des petits passages où on ne peut pas éviter en tant que caravane qui circule. Donc il y a quand même des points qui restent stables et des puits qui bougent. Depuis qui se bouchent et qui sont recreusés. Mais donc, il y a des choses qui perdurent et d'autres qui changent, mais de manière, je dirais, plus ou moins minime. Antonio de Almeida Mendes, vous êtes spécialiste, vous, de l'arrivée des Européens dans ce territoire africain jusqu'au golfe de Guinée. Et vous travaillez sur ce que, justement, la découverte de ces populations en masse, ce que l'esclavage aussi qui a été mis en place, et on s'en souvient un peu, dès l'arrivée de ces Portugais sur ces côtes africaines, a pu changer aux relations entre populations africaines et populations européennes au 15e siècle. Effectivement, cette route occidentale qui est empruntée par les Portugais va évidemment bouleverser des commerces qui étaient intra-africains et qui précédaient à cette route occidentale, en particulier depuis l'arrivée de l'islam dans ces régions entre le 8e et le 11e siècle. Oui, voilà. Quand les Ibériques arrivent sur les côtes occidentales d'Afrique, ils arrivent déjà dans un monde connu, hein, c'est-à-dire un monde qui est totalement cartographié. Et il ne faut pas oublier, voilà, que ces puissances ibériques, alors portugais, espagnols, mais aussi italiens, tous ces marchands, étaient des puissances méditerranéennes. Et donc, ces deux rives de la Méditerranée étaient un monde dense de circulation de marchandises et d'esclaves, et notamment déjà d'esclaves africains depuis le XIe siècle, puisque ces routes transsahariennes qu'on vient de nous décrire, alors débouchaient déjà en Europe, et notamment en Europe du Sud, en Sicile, où il y avait déjà une masse considérable d'esclaves qui travaillaient dans des plantations sucrières. Et donc, quand les Européens, et notamment les Portugais, arrivent en contournant l'Afrique, via la mer, voilà, ils se rattachent à tous ces réseaux transsahariens, en les déplaçant, ou plutôt ces réseaux se déplacent vers l'Atlantique. Et ça correspond alors aussi, c'est d'arriver des Européens à des transformations géopolitiques, hein, de ces empires africains, puisque les côtes atlantiques étaient des périphéries. Et elles deviennent ensuite le cœur, hein, de ces activités marchandes à partir du 14e et 15e siècle, avec la création de grands empires aussi ouest-africains qui vont ensuite être totalement dans cette économie atlantique. Donc il y a une conjonction, hein, des deux forces, tout en sachant que les Portugais et les Espagnols étaient déjà très actifs dès le 13e siècle, notamment avec les Canaries, et que ces routes des esclaves qui ensuite vont du Sahara vers l'Atlantique, alors poursuivent d'autres commerces qui sont le commerce des Gouanches, le commerce aussi des Berbères, et que l'Europe du Sud vivait en grande partie de ces razzias et de cette piraterie sur les hommes depuis le XIIIe siècle. Alors, il faut dire que le Sahara a été construit, pourrait-on dire, Guylaine Lydon, depuis maintenant au moins le XVIIIe siècle et surtout le XIXe siècle, par les Européens, comme une frontière quasi étanche et infranchissable. Et vous expliquez, avec beaucoup d'autres historiennes et historiens de cette région, qu'il ne faut pas le penser comme tel, ce Sahara, qu'il est d'abord un trait d'union et un lieu de passage emprunté, vous l'avez expliqué, depuis au moins Hérodote et peut-être même avant par les hommes pour pouvoir commercer en particulier. Et ce Sahara, c'est un lieu de un pont, puisque vous avez participé à un groupe qui s'appelle Les Ponts du Sahara, un ouvrage collectif sur ce thème. C'est un pont entre justement cette rive méditerranéenne et le cœur de l'Afrique. Oui, c'est sûr qu'on a pensé au Sahara comme un barrage aux échanges intercontinentaux pendant très longtemps, alors que toutes les sources prouvent le contraire. Et bon, il faut aussi savoir que le Sahara n'était pas le Sahara jusqu'à il y a 5000 ans. C'est 3000 ans avant notre ère qu'il a commencé à devenir ce que nous connaissons, c'est cela ? Voilà, c'est à la moitié de l'époque hélocienne qu'avec la désertification qui a avancé, que le Sahara est devenu quand même une zone qui n'était pas infranchissable, mais qu'il fallait avoir beaucoup de talent, de savoir-faire et de ressources pour traverser, comme la citation d'Ibn Khaldoun que vous avez lue tout à l'heure. Et donc, oui, c'est cette zone qui a de tout temps... Enfin, en fait, il faut savoir que... Je citais le cas des Garamantes qui ont tracé ce qu'on a appelé Henri Lotte et Raymond Moni, les archéologues français du XXe siècle, ont nommé la route des chars, puisqu'il y a eu toutes ces peintures rupestres détectées au milieu de au sud de l'Algérie, dans le Tassili-N'Djar. Et en fait, tout au long de cet espace saharien, ces chars qui étaient tirés par des chevaux que... On pensait que les Garamantes utilisaient, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le chameau. Le chameau est apparu que plus tardivement. Eh ben, il y a des entre le 3e siècle avant Jésus-Christ et les premiers siècles de l'ère chrétienne que s'est répandue l'utilisation du chameau en venant du nord. Et donc, avec l'utilisation du chameau l'expertise caravanière, il y a eu de plus en plus d'ampleur et de volume de trafic transcontinental. Et néanmoins... Que ce soit du nord au sud que de l'est en ouest. Hein. Il faut savoir qu'on a aussi été un peu focalisé sur les rapports nord-sud, mais les rapports est-ouest et circulaires à l'intérieur de cette zone qu'on appelle maintenant le Sahara étaient aussi importants. Oui, d'ailleurs, ce Sahara reste difficilement franchissable pour un migrant. C'est ce qu'expliquait dans l'émission sur les docks, le peuple migrateur voyage aux origines de la migration. Aude-Émilie Judaïque interrogeait un migrant, justement malien, qui lui expliquait combien cela lui faisait peur de traverser le Sahara. Là-bas, c'est déjà une préparation psychologique, parce que tu dois te préparer psychologiquement, parce que là-bas, c'est le calvaire. Même avant de prendre le départ, tout le monde en parle. À Bamako, tout le monde en parle. Le Sahara, c'est le calvaire. Déjà, là-bas, c'est le voyage est organisé. C'est des convois, pas des Touaregs. Ils ont des véhicules qu'on appelle des stations, pardon, où on nous bâche 20 à 25 personnes derrière pour la traverser. Donc, des convois, c'est... souvent deux stations, trois stations comme ça. Donc, vous devez comprendre que nous sommes en moyenne 80 personnes à 70, 70 à 80 personnes lors d'une traversée jusqu'à arriver à la frontière côté algérienne. C'était en début d'hiver, fin novembre, début décembre. Et il faisait vraiment très, très, très froid. Et moi, ça, c'est l'une des choses que j'avais oubliées. Et franchement, c'est comme si j'allais mourir. Parce qu'à un moment, nous avons fait escale dans le désert où il y avait des gens qui avaient des couvertures, moi je n'en avais pas. Je grelottais des Touaregs qu'ils avaient fait un petit feu en plein désert. Je suis obligé de venir m'engouffrer à côté du feu pour récupérer juste un peu de chaleur, mais c'était très difficile. Là-bas, c'est un calvaire. Il faut vraiment se préparer. C'est un genre de voyage, tout le monde est concentré, tout le monde veut vite arriver. Pour moi, la seule chose, c'était quoi? Croiser les doigts, penser à ma famille, surtout à ma maman. Penser croiser les bras, penser à elle durant tout le voyage. Toujours je pense à elle. Toujours. Un extrait d'une émission de France Culture sur les docks, peuple migrateur, voyage aux origines de la migration par Aude-Émilie Judaïque en 2011. Guylaine Lydon, qui sont les gens qui, dans vos archives, puisque vous avez travaillé à la fois sur des archives orales, par des entretiens que vous avez menés dans les années 1990 avec des descendants de caravaniers, mais aussi avec de vieux caravaniers qui avaient plus de 90 ans pour certains d'entre eux. Qui sont les gens qui ont la connaissance de ce désert pour pouvoir permettre, dans les périodes les plus anciennes, la traversée de ce désert? Et comment font-ils pour pouvoir justement mettre en place les akabars, donc les grandes caravanes collectives, ou encore les rafka, qui sont les petites caravanes que vous décrivez dans vos travaux, Guylaine Lydon? Eh bien, évidemment, c'est une expertise qui était souvent... communiqué par à l'intérieur de réseaux commerciaux et de familles qui étaient expertes dans ce commerce caravanier. Mais il faut savoir que pour organiser une grande caravane de 15 000 à 20 000 chameaux... 15 000 à 20 000, il faut dire les chiffres tout de même, parce que c'est impressionnant. Oui, bien sûr. Et ça, mais en fait, ça dépendait des années. Hein. Les grosses caravanes de cette taille... Eh ben, jusqu'au fin 18e, début 19e. Au cours du 19e siècle, les caravanes ont diminué de taille avec la prolifération des armes à feu et le trafic des armes à feu qui a permis plus de défense. Alors qu'avant, c'était de petites caravanes qui se réunissaient à des points, des stations, comme a dit votre Malien, à des points de rencontre. Des petites caravanes qui se regroupaient pour former une grosse caravane pour faire la traversée. Un peu comme une armée dont l'union fait la force, qui a besoin d'être plus grande en nombre pour pouvoir affronter les attaques, mais aussi pour s'organiser en cas de vent de sable, etc. Et où, à l'intérieur de ces caravanes, on avait les experts qui non seulement avaient déjà fait des traversées, mais qui savaient, qui avaient lu les messages climatiques et qui étaient au courant des changements, justement, des dunes et des puits actifs pour pouvoir guider la caravane à bon port. Et ces experts, ces kabirs, donc ces guides qui guident la caravane, cette caravane est composée d'animaux, on l'a dit, donc les chameaux qui transportent évidemment de marchandises, mais aussi d'esclaves qui parcourent justement et qui traversent entièrement ce Sahara. Et tout à fait, qui marchaient pas, qui n'étaient pas posés sur des chameaux, au contraire, qui marchaient à côté des caravanes. Justement, une petite anecdote qui en fait date de 2006, donc faire un commentaire sur votre interlocuteur malien. En 2006, je me trouvais au sud de la Libye et j'étais l'hôte du gouverneur de la ville de Ghat, c'est-à-dire sur la frontière Niger-Algérie. Et il voulait absolument qu'on visite les peintures rupestres des montagnes de Akakus. Donc il a organisé un 4x4 et il a ramassé en cours de route dans un petit village avant les grandes dunes, avant de faire une plus grosse traversée pour arriver à ces montagnes. Il a ramassé un khabir, donc un expert qui pouvait guider notre voiture. C'était en 2006. À un moment donné, j'observais qu'il y avait des jerrycans couvertes de tulle, c'est-à-dire de tissu. J'en avais vu une, puis j'ai regardé le khabir en m'interrogeant. Et ensuite, j'en ai revu une autre. Et après, là, je lui ai demandé, il m'a dit, oui, tu te demandes qu'est-ce que c'est ces jerrycans. Il m'a expliqué que c'était des jerrycans de migrants qui traversaient à pied et qui transportaient l'eau physiquement avec eux et qui jetaient les jerrycans au fur et à mesure qu'elles étaient vides. Et que souvent on trouvait les corps de ces migrants qui étaient des réfugiés économiques qui ont affronté la traversée à pied et dont les corps souvent étaient rapatriés à Tripoli s'ils n'avaient pas d'identifiant, papier d'identité pour essayer de contacter les pays d'origine. Parce qu'il y avait quand même une organisation au sein de la Libye pour essayer de rapatrier les corps de ces migrants qui avait connu la mort sur les pistes transsahariennes. Antonio de Almeida Mendes, sur ces pistes qui transportent de la marchandise, des commerçants, beaucoup, et des esclaves. Oui. L'Europe qui arrive alors en contact de l'Afrique au XIVe siècle est une Europe à la fois pauvre en métaux, et ça, il faut le dire. Hein, c'est avant les hommes, on cherche l'or qu'on ne va pas trouver. Et pauvre aussi en hommes, et donc c'est une véritable alors à la fois chasse à l'homme qui va être lancée par les Européens du Sud. Et d'une certaine façon, alors il y a un historien portugais qui parle que la caravelle va remplacer le chameau, et plutôt la caravelle va compléter le chameau, puisque les routes transsahariennes vont être à la fois complémentaires et vont être parallèles à ces routes atlantiques. Et ce qui s'engage avec cette arrivée des Européens, c'est voilà. Le développement de nouvelles routes avec ces routes transsahariennes qui sont extrêmement actives, mais aussi alors sans doute un processus alors nouveau ou qui va connaître une nouvelle dynamique qui est celle alors de l'homme noir qui va devenir alors d'une certaine façon alors la marchandise par excellence ensuite dans l'Atlantique. Et ce qu'il ne faut pas oublier, ce qu'on oublie très souvent, c'est-à-dire avant les Amériques et jusqu'au XVIe siècle, les esclaves africains arrivent majoritairement en Europe du Sud. Et donc 90% de ce commerce qu'on appelle atlantique ou transatlantique est un commerce vers la Méditerranée, avec donc des processus et des changements, y compris dans les catégories raciales, qui vont être déterminants, puisque l'Europe du Sud, qui était une Europe d'esclaves plutôt blancs, va ensuite devenir une Europe du Sud d'esclaves majoritairement noirs et mulâtres, avec tous les dynamiques de métissage qui se mettent en place et toutes les constructions alors de catégories d'infériorité de l'homme subsaharien qui étaient déjà sans doute présentes dans cette traite transsaharienne, mais qui vont être ensuite alors réactivées au contact de ces Européens. Oui, avec effectivement, vous l'expliquez bien, l'importance par exemple de la conquête de Saint-Thomé qui va devenir une sorte de modèle, moi je ne me souvenais pas de ça, de ce qui va être la plantation esclavagiste antillaise ou caribéenne plus tard, et cela dès 1485, expliquez-vous Antonio de Almeida Mendes, puisqu'on va y faire venir des colons. Ces colons, les premiers sont des déportés de force du Portugal, en particulier des des enfants juifs, des exilés qui quittent le Portugal, mais très rapidement, ça ne suffit plus pour pouvoir justement faire de la canne à sucre sur cette île de Saint-Thomé qui est au large de l'Afrique occidentale. Et on va faire venir donc ces flux d'esclaves noirs qui vont peupler dans un premier temps cette île de Saint-Thomé et qui va faire mettre en place un système, un véritable système, expliquez-vous, de contrôle des hommes et des esclaves qui va ensuite s'exporter outre-Atlantique. C'est cela, Antonio de Medellín? Oui. Alors, à la fois deux choses qui sont importantes avec l'arrivée des Européens, bien sûr, s'ils s'inscrivent dans des dynamiques présentes, ils vont faire évoluer ce commerce et ces formes d'esclavage préexistantes à l'arrivée des Européens en passant d'un esclavage majoritairement domestique, hein, parce qu'il faut bien le dire, ces esclaves qui traversent le Sahara sont majoritairement à la fois des femmes et des enfants, mais aussi quelques hommes, mais majoritairement des femmes et des enfants, pour un esclavage domestique. Alors, quand je dis domestique, c'est à la fois dans l'agriculture, urbain. Et les Portugais, alors dans ces espaces insulaires, qui étaient des espaces inhabités, car inhospitaliers pour toute vie humaine, vont développer une forme nouvelle d'économie, qui est ce lien entre esclavage et plantation sucrière massive. Et en renouvellement, non pas l'esclavage par la naissance, hein, puisque les esclaves donnaient naissance à d'autres esclaves, dans les discours produits à la fois en Méditerranée, mais aussi au Sahara, mais en renouvellement, l'esclavage par une chasse sans cesse à l'homme, et parce que les taux de mortalité étaient extrêmement élevés. Donc il faut voilà ce lien entre plantation sucrière et esclavage qui va ensuite alors se transférer aux Amériques, hein, avec le Brésil, et qui va devenir le grand modèle esclavagiste aux Amériques, et déjà en place dès le 15e siècle, avec des formes d'inhumanité. Alors, quand je dis inhumanité, c'est-à-dire des taux de mortalité extrêmement forts. C'est un esclave sur deux meurt au bout de 2 mois hein, de travail. Des formes de travail qui sont extrêmement alors violentes. Et cette catégorie d'esclaves noirs, qui ensuite va devenir le nègre, hein, qui devient une forme de marchandisation de l'homme noir, et une forme d'inhumanité qui est attachée à cet esclavage, même si tout esclavage est inhumain. Là, on passe dans un autre degré. Sur ce point, Ghislaine Lydon, en particulier sur cette constitution des races telle qu'elle est décrite dès le XVIe siècle, visiblement d'après ce que nous dit Antonio de Almeida Mendes dans l'espace européen, et dès qu'elle se constitue à partir de ce moment-là, pour arriver évidemment au XIXe siècle qui invente de façon beaucoup plus systématique la question de la classification des races. Est-ce que cela, ça a une importance dans l'espace que vous connaissez, qui est cet espace saharien, subsaharien, enfin cet espace saharien en général, sur lequel vous travaillez au XVIIIe ou au XIXe siècle, c'est-à-dire est-ce que cette invention européenne a des répercussions sur les classifications internes de cet espace géographique? Ou est-ce qu'il y a d'autres référents, pourrait-on dire, qui ne sont pas les mêmes, justement, à l'intérieur de cet espace géographique pour classer les populations, les distinguer les unes des autres? Bon, d'abord, il faut savoir que, puisque cette zone dont on parle, surtout le côté nord, la moitié nord du continent est devenue à prépondérance musulmane à partir du 11e siècle, mais l'expansion de l'islam a vraiment accéléré à partir du 17e, 18e, 19e, quand il y a eu une série de révolutions musulmanes qui ont répandu la religion. Mais depuis le début, depuis le début de l'islam, il y a eu une discussion au sujet de qui sont les musulmans et qui ne sont pas les musulmans, et des lois très strictes en théorie au sujet de ceux qui étaient possiblement asserviables les lois d'asservissement. Donc, depuis Mohammed, donc au 7e siècle, la fameuse bataille Badr de 624, il me semble, il y a eu une distinction de comment, sur le contexte du djihad, c'est-à-dire de la lutte pour élargir les frontières de l'islam, plusieurs manières de déterminer ceux qui étaient asservissables, si ça se dit. Ouais. Et donc, en fait, c'est vraiment cette question de religion, à savoir que selon l'islam, on ne peut qu'asservir des non-musulmans. Et en fait, depuis au moins le 9e siècle, et je parle là en référence aux travaux d'Al-Jahiz, qui était un grand lettré de Bagdad, qui s'était révolté contre le préjudice et les stéréotypes au sujet des Noirs, et le fait que les Noirs ne pouvaient pas devenir musulmans, ou du moins qui avaient ce préjudice envers les Noirs, a généré des discussions, même jusqu'au 19e siècle, puisqu'il y avait beaucoup de confusion dans ces mondes musulmans au sujet de ceux qui étaient musulmans et ceux qui ne l'étaient pas. Et c'est important à savoir qu'au XVIIe siècle, il y a un fameux écrit d'un lettré de Tombouctou, Ahmed Bab al-Tombouctaoui, qui traitait justement, c'était en réponse à une question du style fatwa qu'on lui avait posée, c'était un marchand esclavagiste transsaharien qui lui avait posé la question à savoir quels étaient les Africains de l'Ouest qui étaient de provenance de régions musulmanes et qui donc étaient exclus d'asservissement. Mais cette confusion, donc il a répondu que les régions à l'époque étaient plus ou moins musulmanes, donc de Borno, de Gao, de Kano, enfin du Niger au Nigeria jusqu'au Mali. Mais ces questions qui ont été même citées jusqu'au 19e siècle, cette fameuse fatwa d'Ahmed Baba, se posaient sans arrêt, puisque ce qui s'est passé, c'est qu'on a visé l'homme noir sans vérifier son identification musulmane. Mm-hmm. Et donc, même si les lettrés se sont attardés sur ces questions, eh bien, on continuait à servir des musulmans. À trafiquer des esclaves musulmans à travers le Sahara. C'est bien cela, en l'occurrence, Ghislaine Lydon. Voilà, tout à fait. Et puis, quand on regarde la Libye actuelle, c'est exactement ce qui se passe. C'est des soi-disant musulmans qui attirent d'autres musulmans, soit pour des questions économiques, soit sous le prétexte de l'État islamique, et qui par la suite se retournent et les revendent. Mm-hmm. Donc plus ça change, plus ça reste pareil. Pareil. Antonio de Almeida Mendes. Oui, alors cette question religieuse, elle est aussi fondamentale. Il ne faudrait pas qu'on ait l'idée qu'il y avait un monde transsaharien qui justifie l'esclavage ou l'asservissement par des questions religieuses, et un monde européen qui inventerait une race qui serait pas liée à ces questions. Et dans les sociétés européennes du Sud, voilà, la distinction, elle était aussi religieuse entre vieux et nouveaux chrétiens, et notamment cette question de la pureté du sang qui justifie aussi. Pulesa de sangre. Voilà, pulesa de sangre, limpieza de sangre, qui justifie aussi alors un esclavage interne à la péninsule ibérique sur ces bases aussi religieuses, juifs et musulmans, qui étaient devenus chrétiens par la force, mais qui étaient toujours considérés comme des mauvais chrétiens. Donc cette macule de la religion première restait toujours. Et il y avait cette même notion, alors qui pouvait être asservissable ou non, et cette notion de la guerre juste, donc des esclaves de guerre juste. Et un peu comme ce que dit Ghislaine, voilà, on va partir du principe que ces Noirs sont des mauvais musulmans, et donc qui veulent être réduits en esclavage, et qu'ils sont alors esclaves de guerre juste. Et donc il y a tout un débat aussi alors juridique qui se met en place au XVe et XVIe siècle en péninsule ibérique, et qui rejoint un peu ces débats qu'on va retrouver dans le monde arabo-berbère sur la justice ou la justesse de l'esclavage des Noirs. Alors il y avait dans cette même émission Le Peuple Migrateur, donc sur France Culture, dans sur les docs, Odémi Judaïque avait interrogé, avait plutôt saisi un moment d'histoire, pourrait-on dire, une charte des migrants qui s'était prononcée, donc qui avait été prononcée sur l'île de Gorée au Sénégal en février 2011, et qui proclame le droit de chacun aujourd'hui dans le monde à migrer comme il le souhaite. Notre ambition est de faire valoir, à partir des situations que vivent les migrants dans le monde, le droit pour tous de pouvoir circuler et s'installer librement sur notre planète afin de contribuer à la construction d'un monde sans murs. C'est pourquoi nous, migrants du monde entier, réunis à Gorée, Sénégal, du 2 au 4 février 2011, à partir des propositions discutées depuis 2006 à l'échelle planétaire, adoptons la présente charte mondiale des migrants. C'était en 2011, peut-être que la situation a beaucoup changé. C'était donc en 2011 à Gorée, cette charte mondiale des migrants. Guylaine Lydon, on a dit que l'arrivée de l'islam avait changé beaucoup dans cet espace saharien par la progression de ces routes de commerce qui ont été développées par les commerçants musulmans, en particulier à travers le Sahara. La poussée européenne au 19e siècle, vous qui êtes spécialiste de cette Afrique au 19e siècle, et en particulier qui connaissez bien ces routes transsahariennes d'avant l'arrivée de la colonisation européenne au cœur du Sahara même, cette poussée européenne, en particulier française, dans cet espace saharien, change-t-elle la donne, en particulier avec, vous l'avez dit, l'arrivée des armes à feu, puis beaucoup plus tard, l'arrivée des véhicules automobiles, qui peut-être changent aussi les choses par rapport à ces grandes caravanes de 10 ou 15 000 chameaux que vous nous décriviez jusqu'à l'orée du 19e siècle? Oui, tout à fait. Mais il faut savoir, bon, pour revenir à une question précédente que vous m'avez posée, c'est que l'abolition de l'esclavage, de la traite atlantique de l'esclavage, a eu un effet important, bien qu'insuffisamment connu ou compris, surtout puisqu'on manque beaucoup de données sur le volume et l'orientation du commerce de l'esclavagiste à travers le Sahara. Mais on sait que l'abolition de la traite atlantique a généré une poussée, une augmentation de la traite transsaharienne et en même temps, surtout à partir de la mi-19e siècle, au moins jusqu'à 1875, ou plus ou moins, mais même, pardon, je vous en prie. Même pour le 19e siècle, l'esclavage, la monnaie esclave constituait toujours le plus profitable du secteur de ce commerce, mais en fait ça générait aussi une baisse des prix de l'esclave et justement la tradition orale mauritanienne garde en tête cette idée que à un moment donné le prix de l'être humain, de l'esclave était tellement dérisoire et tellement bas qu'on pouvait le mesurer sur la taille du pied sur une barre de sel, parce que la barre de sel était aussi une des plus importantes monnaies d'échange, marchandises. D'ailleurs, on avait besoin d'esclaves au fin fond du Sahara, que ce soit à Bilma au Niger, à Taoudeni au nord du Mali, ou à Idjil, par exemple, en Mauritanie, pour creuser ces mines de sel, pour sortir ces barres, pour ensuite être revendues plus au sud pour des denrées et pour la communauté humaine. Donc, à partir de la colonisation, disons, quand elle s'est vraiment... La colonisation française, je parle, et britannique, c'est sûr, mais celle que je connais le mieux, enfin, c'est le fait que les Français n'ont pas essayé de stopper la traite négrière au début. C'est une chose qu'on ne connaît pas, mais les archives ont révélé, les archives coloniales ont révélé que même les administrateurs français ont cherché à profiter de ces réseaux commerciaux d'humains pour mettre à profit cette main-d'œuvre pour des travaux coloniaux, mais aussi pour imposer une taxe sur les caravanes qui était en fait une taxe qui avait été établie par des djihadistes du 19e siècle comme Ahmed Lobo du Mali, qui avait imposé une taxe de 10% sur les caravanes d'esclaves. Donc les Français ont un peu copié ce qui avait été déjà fait. C'est-à-dire que la traite de l'esclave, la traite négrière à travers le Sahara ne s'est pas tarie avec la colonisation, bien qu'on pourrait en penser le contraire. Mais à quelle destination vers quelle destination étaient donc envoyés à partir de la fin de la traite atlantique ces esclaves qui, dites-vous, valaient de moins en moins cher à travers le Sahara? Selon les travaux de Pierre Bond, par exemple, qui a beaucoup travaillé sur l'oasis d'Adrar, il y avait, en raison des turbulences causées par l'infiltration européenne à partir de la côte, les djihads de personnes comme Ahmed Lobo, que j'ai cité, mais aussi Al-Hajj Omar au milieu du 19e siècle, Samori Touré, qui était, selon les dires, le grand Napoléon noir de l'Afrique de l'Ouest, qui aussi utilisait l'esclave comme monnaie courante. Tous ces djihadistes ont vendu des esclaves, soi-disant non musulmans, pour s'accaparer d'armes et de chevaux aussi, pour combattre et pour aussi élargir leur terrain et défendre leur emprise territoriale et régionale pour asseoir leur pouvoir musulman. Non, je voulais vous poser une question à Antonio de Almeida Mendes. Antonio de Almeida Mendes, vous avez récemment, c'était le mois dernier, co-organisé un grand colloque, une grande journée d'études, qui s'intitulait Après les traites, penser les formes de dépendance et d'esclavage en Afrique, Amérique et Europe, 18e, 20e siècle. Justement, c'était cette question que vous posiez. Qu'est-ce qui s'était passé après les traites, puisque aujourd'hui on parle d'esclavage moderne, aussi bien d'ailleurs en Mauritanie qu'en Libye avec ce reportage de CNN qui a fait couler tant d'encre depuis maintenant un bon mois. Qu'est-ce qui s'est passé justement après cette traite, d'après le travail qui a été mené en commun par des gens comme Samuel Sanchez, Myriam Cotillas, Alexander Kiss, Romain Tiquet ou encore Nigel Penn, Alessandro Stanziani et Dominique Vidal et d'autres? Oui, il faut distinguer deux choses, hein, comme le dit Guylaine, qui est la question de la traite et la question de l'esclavage. Et l'un va avec l'autre ou l'un peut aller sans l'autre, puisque on va abolir les traites, c'est-à-dire ce commerce à travers l'Atlantique notamment, mais aussi voilà, sur les côtes d'Afrique. Mais la catégorie d'esclaves va perdurer ou va se reconfigurer, notamment voilà, dans ce contexte atlantique, c'est-à-dire après les abolitions successives. Il va y avoir alors de nouvelles, ou une nouvelle, alors, un nouveau alors, marchandage de l'homme africain qui va être sous la forme de langagisme, qui va se poursuivre pendant tout le XXe siècle, le travail forcé, hein, puisque dans le cas du Portugal, le Portugal va avoir des colonies jusqu'en 1975, et donc après l'abolition de la traite, donc d'autres catégories de travailleurs non libres vont prendre la succession des esclaves, qui sont les travailleurs forcés, les engagés. Donc on est dans un temps long où à la fois l'Afrique, mais aussi ces traites transsahariennes et ces réseaux transsahariens vont à la fois alors perdurer. Et donc dans ce temps long, l'homme noir et l'homme africain subsaharien va être la principale marchandise, à la fois en tant qu'esclave, mais aussi en tant que travailleur forcé, jusqu'à alors un temps récent, puisqu'il faut le dire, le Portugal avait des colonies jusqu'en 1975. Et donc ces trafics à la fois à travers l'Atlantique, et l'engagisme vers les Antilles, mais aussi vers l'Amérique du Nord, mais aussi à travers l'océan Indien. Donc il ne faut pas oublier qu'il y a cet autre axe massif, hein, c'est sans doute entre 9 et 10 millions aussi d'Africains qui ont été déportés vers l'Inde, vers l'Asie. Donc on est dans un contexte global où cette chasse à l'homme ne s'arrête pas avec les abolitions, mais perdure sur tout le XXe siècle, d'ailleurs. Donc on est dans un temps long. C'est-à-dire que Guylaine Lydon, lorsque l'on fait, entre guillemets, semblant de redécouvrir à partir de ce reportage de CNN, il y a donc un petit mois de cela, l'existence de possibles marchés aux esclaves du côté de la Libye actuelle, on redécouvre l'eau chaude, on découvre quelque chose qui a perduré à bas bruit, peut-être même plus qu'à bas bruit, pendant tout le 19e et tout le 20e siècle, mais qui, d'une certaine façon, était tu, moins connu, peu su, peu transmis, en l'occurrence, jusqu'aux oreilles de nos auditeurs ou à la vue de nos spectateurs? Oui, c'est sûr que le fait que c'est pas une chose nouvelle, que que maintenant il y a la migration forcée, c'est-à-dire dans le sein d'un asservissement et de la traite de l'esclave à travers le long terme, comme ça, mais il y a aussi ces migrants volontaires, comme votre intervenant malien de tout à l'heure. Bien sûr. Donc, il ne faut pas tout mélanger, mais c'est sûr qu'il faut savoir que, bon, un pays comme la Mauritanie a aboli l'esclavage plusieurs fois, et le fait que ce renouveau d'abolition de la traite et de l'esclavage en tant que de statut en Mauritanie est indicatif du fait que ça continue. Mais aussi, par exemple, le Maroc, il me semble, n'a jamais aboli l'esclavage, mmh. et peut-être même pas la Libye. Mmh. Donc, c'est des questions importantes. Ce qui est important aussi, d'après ce que j'ai cru comprendre en vous lisant, Ghislaine Lydon, c'est de redécouvrir des sources que des historiennes ou des historiens comme vous et Antonio de Almeida Mendes utilisent aujourd'hui, des sources qui étaient plus ou moins négligées, peu connues. Ce que vous expliquez, c'est qu'en fait, il y a une économie, dites-vous, du papier et de la foi qui fait qu'au bout du compte, les gens qui transportent, pas simplement les esclaves, mais les migrants, les gens qui passent à travers le Sahara, les marchandises, les animaux, ces personnes-là laissent des traces écrites et qu'il faut s'y intéresser de façon urgente parce que ces traces peuvent disparaître, mais qu'elles sont très utiles à l'historienne que vous êtes, par exemple. Oui, tout à fait. Et puis, donc, récemment, j'ai écrit un travail avec Bruce Hall sur ces sources écrites en arabe qui informent, en fait, on s'est concentré sur le thème de l'esclavage et de la traite. Ça a été publié dans un volume collectif. Mais aussi, il faut savoir que ces sources écrites révèlent aussi le fait que les esclaves étaient une certaine catégorie lettrée eux-mêmes et produisaient des travaux, que ce soit en tant qu'agents commerciaux, mmh. Qui produisaient des contrats, des lettres pour parler avec, pour correspondre avec leur maître qui se trouvait à longue distance en Libye, entre Timbuktu et la Libye, par exemple. Et donc ces sources sont très importantes, mais en fait il y a une grosse concentration de ces sources qui traitent de la littérature juridique et des débats que les lettrés avaient au sujet du statut, des règles de transactions et des règles justement d'identification des musulmans. Mmh. Donc il y a eu énormément de débats, mais beaucoup de continuation dans les mêmes questions au sujet de... Et il faut savoir que les sources de droit musulman, surtout le droit malikite qui est en vigueur en Afrique du Nord et de l'Ouest, traite de manière très pointue et très détaillée de cette question des transactions des esclaves, qui étaient en fait traités comme des animaux. C'est les lois qui géraient la vente et l'après-vente des hommes et des femmes qu'on pouvait vendre en portions ou on pouvait louer étaient absolument détaillées. Pas nécessairement de rigueur, mais en tout cas débattue et écrite, c'est-à-dire que les sources jusqu'au 19e siècle sont très très riches sur cette question du droit juridique. Et donc ça veut dire qu'il y a encore de nombreux travaux à mener sur ce point-là. Et vous continuez vos travaux, Antonio de Almeida Mendes, à partir de votre point de départ, c'est-à-dire le Portugal et la découverte de cette Afrique au 15e siècle, avec un projet qui s'appelle Staraco. Vous voulez nous dire ce dont il s'agit, de ce grand projet que vous menez avec l'Institut d'études avancées de Nantes, où vous êtes pour l'instant? Oui, c'est une question. Alors, voilà, ce que dit Ghislaine, c'est important, c'était à la fois une économie totalement légale, hein, et donc ces esclaves ensuite sont devenus libres, hein, pour beaucoup d'entre eux en péninsule ibérique. Ils ont aussi produit des textes, ils se sont insérés dans la société, cette société a produit des hiérarchies pour à la fois exclure ou intégrer ces hommes et leurs descendants d'esclaves. Donc on est, et il faut pas l'oublier, dans des sociétés d'Europe du Sud, le Portugal et l'Espagne, des sociétés où sans doute 15 à 20% de la population est descendante d'esclaves subsahariens. Mais ne le sait pas forcément. Et ne le sait pas ou ne veut pas le voir, donc, puisqu'elle remonte à des racines judéo-chrétiennes. Et donc cette histoire est importante et c'est une histoire à la fois d'une violence, mais aussi une histoire d'un enrichissement mutuel. Et donc il faut retrouver cette histoire derrière la violence. Et c'est ça le projet Staraco, justement. C'est à la fois penser ensemble, statut, race et couleur. Alors race, pas dans cette acception ou définition du 10e siècle évolutionniste, mais le mot est là dès le départ pour définir à la fois de la différence de couleur. couleur. Les juifs aussi. Les juifs, donc dans cette notion de différence religieuse. Les anciens morisques, les morisques et tous ceux qui ont été musulmans et qui se sont convertis au christianisme. Voilà, c'est ça, c'est la question de la caste, des différences religieuses, différences ethniques et des préjugés qui sont en place et comment cette société et aussi ces empires ensuite ibériques se construisent hein, sur à la fois cette diversité humaine et sur l'esclavage qui a été, on l'a oublié puisqu'on ne veut pas le voir aujourd'hui, hein, un élément fondateur de ces sociétés. Parce que quand on parle de 20 à 25% d'une population européenne descendante d'Africains subsahariens, ça dit beaucoup de choses. Merci beaucoup. On peut retrouver vos travaux, Guylaine Lydon, sur différents sites qui recensent votre travail. Vous avez un travail en français à conseiller à nos auditeurs, Guylaine Lydon ? Eh bien, j'espère qu'incessamment sous peu, la traduction de mon premier ouvrage sera publiée. Elle a été déjà traduite, mais on a un petit hic sur la maison d'édition. On l'espère aussi pour que tous nos auditeurs en profitent. Bien sûr. Et donc, on peut lire aussi Antonio de Almeida Mendes dans le catalogue, très beau catalogue, de l'Afrique des routes, histoire de la circulation des hommes, des richesses et des idées à travers le continent africain, et suivre vos travaux que vous menez jusqu'au milieu de l'année prochaine, Antonio de Almeida Mendes, donc à l'Institut d'études avancées de Nantes, dont il faut saluer le travail en général autour de la recherche telle qu'elle est en train de se mener internationale et transnationale en France aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les deux. Sachez que cette journée spéciale de France Culture continue avec Culture Monde de Florian Delorme sur l'Allemagne face à la crise migratoire, ou encore à 12h, eh bien, Europe, malaise dans l'identité avec le démographe Hervé Lebras. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marsay. Jean-Frédéric nous a accompagnés aujourd'hui à la technique et Thomas Duterre à la réalisation. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr.